إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها قال العلماء هذا الحديث أصل في التخويف من سوء الخاتمة وفساد العاقبة فإن العبد إن لم يوفق لخاتمة حسنة يختم بها عمله وإلا كان من الهالكين وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم يقول الحافظ ابن حجر وفيه الحث على الاستعاذة بالله من سوء الخاتمة وقد عمل به جم من السلف وأئمة الخلف وإذا ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فإن أهل العلم قد بينوا أن فتنة المحياء التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها هي سوء الخاتمة يقول الإمام ابن دقيق العيد فتنة المحياء ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة ثم الموت وفي إخفاء خاتمة العبد حكمة بالغة وعظيمة وذلك أن العبد إذا عرف حسن خاتمته أصابه التواكل والعجب والكسل وفتور الهمة وكذلك إذا عرف العبد سوء خاتمته أصابه اليأس والقنوط من رحمة الله وازداد عتوا ونفورا في الأرض فأخفيت عنه حتى يبقى من الخوف حتى يبقى بين الخوف والرجاء يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه وهذه هي حال المؤمنين ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا لأجل ذلك كان خوف الصالحين من سوء الخاتمة عند كل خطوة وخطرة وحركة يقول أبو الدرداء ما أحد أمن على إيمانه أن لا يسلب منه عند الموت إلا سلب منه. ولما حضرت الوفاة سفيان الثوري أخذ يبكي، فقيل له: يا أبا عبد الله، أمن كثرة الذنوب؟ قال: لا، ولكن أخاف أن يسلب الإيمان مني قبل الموت. فمن هذا خاف السلف الصالح من أن تكون الذنوب حاجبا وحجابا بينهم وبين حسن الخاتمة. يقول ابن القيم: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين حسن الخاتمة. وقال: ونظرت إلى حال كثير من المحتضرين ووجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على سوء أعمالهم، وسوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما لمن عنده فساد في العقيدة أو إصرار على كبيرة أو إقدام على معصية وغلب ذلك عليه وسبى عقله وملك قلبه وسيطر على تفكيره حتى نزل به الموت قبل التوبة، فكان خاتمة له عند موته لأن قلبه غير سليم. يقول ابن رجب: إن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، فهي الدسيسة توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من الخير فتغلب عليه تلك الخصلة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فينظر الله إلى قلب العبد، فإذا كان نظيفا من الشرك وأمراض القلوب والكبائر هداه للتوبة واختار له أفضل أعماله فجعلها خاتمة له عند الموت. وإذا كان على عكس ذلك لم يوفق للتوبة واختار الله من سوء أعماله فجعلها خاتمة له عند الموت. ومن أسباب سوء الخاتمة كما ذكرها أهل العلم: أولا التسويف بالتوبة والاستمرار على المعاصي والتهاون من الواجبات، فبعضهم يقول: حتى أتزوج، والآخر يقول: حتى أتخرج، والآخر يقول: حتى أكبر، وذاك: حتى أزوج الأولاد، وآخر: حتى أستغني. فيحددون موعدا للتوبة. ومن الذي يضمن لك أن تحقق هذه الأمنيات؟ وإذا حققتها فمن الذي يضمن لك أن توفق للتوبة فتكون قد أمضيت عمرك بالأهواء والشهوات والمعاصي التي تكون غالبا سبب في انقلاب القلوب وانتكاسها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي بسبب ردهم للحق أول مرة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده من الدعاء: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وقد ذم الله أقواما طالت آمالهم حتى ألهتهم عن الآخرة ففاجأهم الموت على حين غفلة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. فيتخبط الإنسان في أموره وتصرفاته وحركاته فيفقد التوفيق والسداد من الله فيموت على غير طاعة الله. ثانيا ومن أسباب سوء الخاتمة حب المعصية، فإن الإنسان إذا داوم على المعاصي ولم يسارع إلى التوبة منها ألفها قلبه واستولت على تفكيره في اللحظات الأخيرة من عمره عند سكرات الموت وينطق بها لسانه فيموت عليها ويبعث عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عنه جابر رضي الله عنه: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقال ابن كثير: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع الضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. تقدموا قليلا، بارك الله فيكم، تقدموا، اتركوا مجالا لإخوانكم في الخلف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن الشيطان منه واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه في ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم من ذلك. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفر الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد عن الله وغافل عنه ومبتعد متعبد لهواه وأسير لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته، بعيد أن يوفق للخاتمة بالحسنى. نعم عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. نعم، ويموت المرء على ما عاش عليه. يقول ابن قدامة: وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها وأعد ما يصلح لها، وإياك والتسويف، فإن العمر قصير، وكل نفس من أنفاسك يعد خاتمة، لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. فعلى العبد أن يبادر بالتوبة وأن يلح على الله بالدعاء بأن يحسن خاتمته بالحسنى، وأن يحسن الظن بربه عز وجل. وعنه صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عنه عبد الله بن عمر: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فإذا عرفت معنى وأسباب سوء الخاتمة فاحذر تلك الأسباب واعمل لأسباب حسن الخاتمة وألح على الله بالدعاء لها وأحسن الظن بالله فإن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه نعم عباد الله فكل عبد يبعث على ما مات عليه فمن مات وهو يقرأ القرآن يبعث وهو يقرأ القرآن ومن مات وهو ساجد بعث وهو ساجد ومن مات وهو يشرب الخمر بعث وهو يشربها ومن مات وهو يلبي في الحج بعث وهو يلبي نعم وإنما الأعمال بخواتيمها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et souvenez-vous que chaque âme goûtera à la mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran ce qui signifie qu'il va raffermir ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, tandis qu'il va égarer les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également informé que le serviteur fait des actions qui apparaissent comme étant les actions des gens du paradis, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Et des gens font des actions qui paraissent comme étant des actions des gens de l'enfer, alors qu'il est dans le paradis. Car ce qui compte réellement de nos actions, c'est celles par lesquelles notre vie se terminera. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous ressusciter et il va nous juger selon les œuvres qu'on fait à la fin de notre vie, c'est-à-dire avant la mort. Et donc, des hadiths comme le hadith qu'on vient de mentionner, qui nous mentionne le fait que certaines personnes vont faire des actes de bien jusqu'à ce qu'il y ait une petite distance qui les sépare du paradis, puis ils commencent à faire les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'ils y rentrent. Et que des gens font des actes, des gens qui font des péchés jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une petite distance qui reste entre eux et l'enfer, puis ils commencent à faire les actes, les œuvres des gens du paradis, puis ils y rentrent finalement. Et donc c'est pour dire que ce qui compte réellement, c'est comment quelqu'un termine sa vie. Si quelqu'un a vécu toute sa vie dans le péché, mais qu'avant sa mort il se repent et il revient à Allah, il aura la récompense du paradis. Tandis que si dans toute sa vie il a vécu dans l'obéissance d'Allah et dans la piété, mais qu'avant de mourir, il tombe dans l'égarement et dans le péché, dans la désobéissance d'Allah, et qu'il meurt dans cet état-là, eh bien, il sera parmi les gens de l'enfer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui doit mettre dans le cœur de chaque croyant la crainte de la fin, de savoir comment il va terminer sa vie. Ce qu'on appelle en arabe su'ul khatima, la mauvaise fin. Et également, la bonne fin, qu'on appelle husnul khatima, c'est-à-dire de terminer sa vie dans le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a répété dans le hadith, innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Al khawatim, c'est le pluriel de khatima, qui veut dire comment la vie termine, comment la personne va terminer ses œuvres. Et donc il dit, l'homme sera jugé uniquement par ce par quoi il a terminé sa vie et son existence. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge dans ses invocations après chaque prière. Il cherchait la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et également contre le mal de l'épreuve du Messie Dajjal. Et les ulama ont expliqué que l'épreuve de la vie et de la mort, eh bien, c'est tout ce que l'homme peut subir comme tentation ou épreuve dans cette vie d'ici-bas, parmi les tentations et parmi les plus grandes, ou la plus grande qui soit, c'est la question de la fin de ta vie. Comment tu vas terminer ta vie au moment de ta mort? Et c'est une chose qui est cachée à chacun de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'entre nous qui sait comment il va terminer sa vie. Et donc, si l'être humain savait comment il termine sa vie, eh bien, peut-être qu'il dit, moi, je vais avoir une bonne fin, je vais finir ma vie bien. Donc, il se laisse aller et il devient paresseux, hein, et il se permet de commettre des péchés parce qu'il dit, de toute façon, je sais que j'aurai une bonne fin. Et celui qui sait, par exemple, s'il pouvait savoir comment il va terminer sa vie, s'il savait qu'il terminerait sa vie par une mauvaise fin, eh bien, il dirait, peu importe ce que je fais, je sais que ma vie va se terminer mal ou dans la désobéissance, alors il se serait enfoncé encore plus dans la désobéissance et dans le péché. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a caché à chacun d'entre nous sa fin et comment il va conclure sa vie pour que justement on soit toujours dans l'équilibre entre la crainte et l'espoir. Car c'est la situation du croyant et c'est l'état du croyant qui doit toujours rester entre la crainte et l'espoir vis-à-vis de sa fin et comment il va être devant lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants justement en disant qu'ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Et ça, c'est la réalité de la situation du croyant. Tandis que celui qui se sent en sécurité et en paix vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui pense que sa foi est garantie et que son sort est déjà garanti et qu'il va aller au paradis, il ne sait pas ce qui peut lui arriver à la fin et comment parfois Allah subhanahu wa ta'ala peut lui retirer sa foi juste au moment justement de la mort à cause des péchés qu'il a fait. Et c'est l'exemple d'un d'entre les imams de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs, l'imam Soufiane al-Thawri, rahimahullah. Avant la mort, il pleurait. Et on lui demanda, pourquoi, ô Abu Abdillah, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que c'est à cause de la grande quantité des péchés que tu as fait? Il a dit, non, mais je crains qu'on me retire la foi avant la mort. C'est-à-dire que, à cause des péchés qu'il a fait, que ce soit une barrière ou un empêchement à la repentance et qu'il meure et qu'il se fasse tromper par ses péchés au moment de la mort et qu'il meure sur autre que sur la foi. Et donc ça, c'est l'état de beaucoup des gens qui sont au moment de la mort. Ils sont dans un état de difficulté et de douleur. Et donc c'est pour ça que c'est un moment dans lequel le shaytan, il fait beaucoup d'efforts pour essayer d'égarer le serviteur à ce moment-là pour qu'il termine par une mauvaise fin. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut vraiment faire attention. Les ulama de l'islam ont expliqué que la mauvaise fin, lorsqu'elle vient pour un serviteur, c'est souvent ou généralement à cause de quelque chose qu'il avait en lui-même qui était caché. C'est-à-dire un péché qu'il avait dans son cœur et qu'il gardait et qu'il cachait. Et ce péché-là, au moment de la mort, réapparaît. Parce qu'il est dans l'agonie, au moment de l'agonie de la mort. Et donc, il n'a plus sa force, il n'a plus sa raison. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, justement, ses désirs et ses passions et le shaitan viennent pour essayer justement de le faire tomber et de le faire pencher vers l'égarement. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de travailler sur le cœur, hein, et de purifier notre cœur de toute impureté, de toute tentation, de tout péché qui pourrait y rester. Car ces péchés-là, justement, qui sont dans le cœur, enfouis profondément, au moment de la mort, ils prennent le dessus. hein, sur la raison de la personne qui est dans l'agonie. Et c'est là d'où vient le danger de ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait et il mentionnait l'importance du cœur et de l'état du cœur. Et il mentionnait que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos apparences et vos couleurs, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala regardera le cœur du serviteur pour voir est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il a été nettoyé des formes de différentes formes de shirk, des différentes maladies du cœur, des différentes formes de grands péchés, des différentes formes d'innovation et de bid'ah. Et si c'est le cas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le guide à la repentance et il l'aide à revenir et à demander pardon. Tandis que si c'est le contraire, eh bien à ce moment-là, hein, ses péchés l'empêchent, deviennent un obstacle à la repentance pour lui et il meurt sur une mauvaise fin. Et donc il faut faire attention aux causes de la mauvaise fin, et parmi les causes de la mauvaise fin, le fait de toujours remettre la repentance à plus tard. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-taswif, c'est-à-dire de dire je vais me repentir plus tard, je vais me repentir plus tard. Hein? Et donc les gens continuent à faire le péché, ils continuent à désobéir, ils continuent à négliger les obligations religieuses, et ils disent jusqu'à ce que je me marie. C'est-à-dire quand je vais me marier, je vais arrêter le péché. D'autres disent bon, jusqu'à ce que je termine mes études, après je vais arrêter mon péché. Ou d'autres disent jusqu'à ce que je devienne plus vieux. Ou d'autres disent jusqu'à ce que je marie les enfants. Et ainsi de suite. Et ils se donnent un délai, hein, ou un ultimatum pour abandonner le péché, sauf qu'ils persistent et ils persistent et ils vivent dans les faux espoirs, hein, du shaitan. Et finalement, ils ne se repentent jamais parce qu'ils continuent dans ce temps-là à suivre leurs désirs et leurs passions et à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le péché prenne le dessus sur leur cœur et qu'ils n'aient plus du tout, hein, la capacité de s'en repentir par la suite. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Oh, vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qu'il va vous donner la vraie vie. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous allez être rassemblés. » Et donc, il faut vraiment faire des efforts pour travailler sur le cœur et sur la sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait constamment l'invocation dans laquelle il disait « Ô toi qui dirige les cœurs et qui contrôle les cœurs, eh bien, tourne mon cœur vers ton obéissance. » Donc il demandait toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de diriger son cœur vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes également de la mauvaise fin, il y a aussi le fait d'aimer le péché. Et lorsque quelqu'un arrive au point où lorsqu'il arrive au point où son cœur aime le péché qu'il fait, eh bien, yani, ça c'est quelque chose qui est très dangereux, car ça veut dire que la personne, elle a tellement pratiqué ce péché-là que ce péché-là est devenu naturel et il a commencé même à l'aimer. Et à ce moment-là, ça veut dire que le péché a pris le contrôle de son cœur, a pris le contrôle de sa pensée, et au moment de l'agonie, il va peut-être même parler de ce péché-là, hein, au lieu de dire « La ilaha illallah », au lieu de se rappeler de la parole du tawhid, la parole qui signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qu'on doit répéter avant de mourir, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'il ne sera pas capable de le prononcer, et qu'il va tellement être ivre dans son agonie de la mort qu'il va justement commencer à rappeler les paroles qui sont reliées à ce péché-là, au lieu de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, justement, comme on disait, c'est à ce moment-là que le shaitan, il utilise tous les moyens qu'il possède, toute la force qu'il a. Et surtout qu'à ce moment-là, hein, le serviteur, il est dans la souffrance et la douleur de la mort. Donc il est dans un moment de faiblesse. Donc si lorsqu'il avait toute sa raison et toute sa tête et tous ses moyens, toute sa force, le shaitan était capable de prendre le dessus sur lui pendant sa vie, comment pensez-vous qu'il sera capable à ce moment-là hein, de résister et de s'écarter de la tentation du shaitan à ce moment, sauf pour celui que Allah a raffermi. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui raffermit le croyant hein, par la parole de fermeté, la parole de la ilaha illallah, à ce moment-là, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, sans l'aide d'Allah et sans le raffermissement d'Allah, quelqu'un ne peut pas résister hein, à tomber dans l'égarement au moment de la mort. Et donc c'est pour cette raison qu'on a besoin toujours de rester sur cette fermeté, de rester dans l'obéissance et de s'écarter de nos péchés et de demander pardon à Allah et de se repentir avant la mort. Et de constamment faire l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les cœurs du serviteur sont entre deux doigts, parmi les doigts du tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et il les tourne comme il veut. Et donc, le fait de répéter cette invocation et de demander à Allah, « Oh Allah, donne-nous une bonne fin. Oh Allah, fais-nous mourir dans l'obéissance. Oh Allah, préserve-nous de l'égarement au moment de la mort et fais qu'on meure sur le tawhid et la foi. » Ça, c'est des choses qui font en sorte que la personne aura, inshallah, une bonne fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié, il a expliqué que le serviteur, hein, il va mourir sur ce sur quoi il a vécu. Et il va mourir sur ce sur quoi il a vécu. C'est-à-dire, si toute sa vie il était sur quelque chose et il était sincère, pas seulement en apparence, mais même dans son cœur, il était sincère sur ça, il va mourir sur ça aussi. Donc, s'il mourait en récitant le Coran, il va mourir en récitant le Coran. S'il est mort en faisant le sujoud, il va être ressuscité en faisant le sujoud. Tandis que s'il est mort en faisant un péché quelconque, il va être ressuscité en faisant ce péché-là. Et donc c'est pour cette raison qu'on comprend qu'il est très important de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne fin. Husnul khatima. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين.